Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand il s'agit de manier la chronologie, nous sommes parfois comme les troubadours ou les trouvères du Moyen-Âge qui jonglent avec des balles. Tenez, pour la fin du Moyen-Âge, avec une seule date, la chose est simple, 1492, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique. Mais pourquoi pas 1453, oui, la chute de Constantinople. Ah, les joies de la chronologie. Allez, ajoutons encore une date, 1515, là tout le monde s'écrit, oui, Marignan. Et pourquoi pas 1525, la bataille de Pavie. Oui, mais Pavie, c'est fini. Il est difficile de jongler avec les dates pour la fin du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, nous faut-il une date? Ce n'est pas parce qu'en 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique que les trouvères et les troubadours cessent de jongler. Mais à côté des dates vedettes, 1453, 1492, 1515, 1525, il y en a d'autres. Tiens, pourquoi pas 1520? Mais que s'est-il passé en 1520? Nous sommes au seuil d'un monde nouveau. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, année charnière, l'histoire au tournant. Oui, le cours de l'histoire se penche sur ces années remarquables, celles qui marquent un tournant politique, culturel, des années qui s'imposent parfois comme une évidence, et puis d'autres qui sont inventées plus tardivement, mais dans tous les cas des années fantasmées. 476, la chute de Rome, 1870 qui nous conduit vers l'année terrible, et puis même l'année 1990, une fin ou un commencement. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire France Culture. Ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous partons en 1520. 1520, au seuil d'un monde nouveau. Avec vous, Guillaume Franzvar. Bonjour. Bonjour. Guillaume Franzvar, vous êtes archiviste paléographe, conservateur du patrimoine au Centre des archives diplomatiques et vous publiez 1520 au seuil d'un monde nouveau. Évidemment, la question qui apparaît tout de suite est de se demander pourquoi 1520, mais que s'est-il passé en 1520? J'évoquais 1515 et tout le monde s'écrit Marignan, mais 1520. Bien, 1520, en fait, effectivement, oui, c'est un paradoxe que j'ai embrassé à bras-le-corps, c'est que en 1520, on n'a pas de grand événement fondateur. En revanche, on a un climat qui change par plusieurs séries de fêtes qui s'accumulent. On a un contexte politique qui se renverse, qui était en faveur du roi de France jusqu'ici et qui se renverse en sa défaveur. On a la colonisation au-delà des mers qui prend un tour beaucoup plus ferme qu'auparavant. On a une révolution artistique aussi qui s'ancre plus profondément en Europe, et on a enfin la rupture religieuse avec Luther qui décide de rompre définitivement avec Rome. Et donc tout ça, ce sont des choses qui, prises isolément, ne semblent pas avoir un impact si grand que ça, mais qui toutes placées ensemble ont beaucoup plus d'impact au long terme que les grandes dates classiques en fait. Vous avez une jolie expression justement pour qualifier cette année de 1520. Vous dites que c'est une année fébrile, pleine d'attentes et de tensions, comme lorsque le public guette au spectacle trapéziste qui s'élance dans le vide. Il y a cette attente. Quel est le climat global en 1520? C'est un moment de peur, un moment où l'on se dit l'avenir est sombre, ou alors un moment où il y a plein d'espoir pour l'avenir? Eh bien, en fait, c'est un mélange des deux, justement. C'est ça aussi qui fait l'intérêt de cette période, c'est que en 1520, il y a une partie de l'Europe qui a peur. C'est très net, entre la rupture religieuse, le contexte politique qui est extrêmement tendu. Il y a une partie des gens qui ont peur. Ça, c'est un fait tout à fait incontestable. Mais à côté, il y a aussi des gens qui ont de l'espoir. De l'espoir parce que on a des gens qui, eux, dans la rupture religieuse, voient justement une chance de reconstruire une nouvelle société. Il y a de l'espoir aussi pour tous ceux qui ont envie de se construire une nouvelle vie ou un nouvel empire au-delà des mers. Et enfin, on a tous ceux qui simplement espèrent tirer parti de la conjoncture. Donc c'est une année qui est très ambivalente en réalité. C'est d'ailleurs intéressant cette ambivalence parce qu'il y a d'un côté, vous venez de le rappeler Guillaume Franzva, cette envie d'ailleurs, ce lointain, l'Amérique. Et puis c'est la période où l'on se met à représenter des danses macabres sur les murs, ces danses macabres où l'ensemble de la société est conduite par la mort. Il y a quelque chose où la mort est extrêmement présente, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la maladie, où l'avenir est aussi porteur. Ces fractures-là, vous les identifiez clairement en 1520. Vous diriez que 1520, c'est un monde fracturé? Un monde fracturé, je dirais surtout un monde plein, en fait, un monde qui arrive à saturation de tous ses tous ses rêves et tous ses espoirs et qui cherche en fait des voies de sortie pour se relancer. Hein. Voilà, c'est comme ça que je définirais plutôt ce monde. Ça nous intéresse parce que voilà, nous sommes en 2020 avec toute une réflexion sur le monde d'après, sur ces moments très particuliers. C'est pourquoi l'année 1520 nous intéresse. Guillaume François, 1520 au seuil d'un monde nouveau chez Perrin. Vous identifiez clairement, et c'est toujours agréable ces lectures-là, quatre moments, quatre angles très nets. Il y a l'angle, on va dire, politique pour simplifier. Il y a cette volonté d'expansion, et l'Amérique est proche désormais, découverte. Et puis, il y a tout l'aspect artistique et l'aspect religieux. 1520, en France, le roi est François Ier. Nous sommes dans un moment de tiraillement, un moment très particulier. C'est une lecture qui a longtemps dominé, juste cette lecture des rivalités entre les puissants, en fait. Quelles sont ces rivalités, en fait, en 1520? Alors, en 1520, on a, d'une part, vous l'avez dit, François Ier, qui est donc le roi de France. C'est à ce moment-là, c'est le royaume encore le plus puissant d'Europe, clairement, sans aucune ambiguïté. C'est le royaume qui est le plus cohérent, le plus uni, le plus riche, et qui a l'armée la plus puissante. À côté de ça, on a Charles Quint, qui vient juste d'achever la réunion de toutes les terres dont il a hérité par ses différentes branches familiales, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Empire, l'Autriche, et qui forme un ensemble qui encercle la France. Et en devenant empereur, il a clairement l'ambition de devenir lui aussi le monarque le plus puissant d'Europe. C'est la principale rivalité, un duo qui a enchaîné beaucoup, enflammé beaucoup d'imagination par la suite. Et à côté de ça, on a encore quelques autres rois secondaires, mais qui ont quand même une partition à jouer dans le jeu politique. On a Henri VIII, notamment, le roi d'Angleterre, qui n'est pas si puissant que ça, mais qui est en sécurité sur son île et qui peut donc interagir sur le continent sans craindre de conséquences immédiates pour lui. Et on a enfin un personnage auquel on pense peu en 1520, mais qui est extrêmement important, on a le sultan Soliman, qui est clairement la figure dominante en Orient et qui n'a pour seule volonté que d'étendre son pouvoir à toute la Méditerranée, y compris l'Europe chrétienne. Guillaume François, vous venez d'évoquer l'imagination enflammée par la rivalité François Ier et Charles Quint. Effectivement, chez Proust, nous avons cette évocation du côté de chez Swann. Il rêve de la rivalité entre François Ier et Charles Quint. Cette rivalité est évoquée pas seulement chez Proust, elle est évoquée exactement chez Jacques Martin. Oui, dans l'émission Les Voyageurs de l'Histoire, ceux qui se souviennent des Voyageurs de l'Histoire, c'était en septembre 1981 sur la deuxième chaîne de la télévision française. Jacques Martin conduisait les enfants en 1520. Nous arrivons dans une époque, là vous allez voir, en 1520, une époque assez florissante pour la France, c'est ce qu'on appelle la Renaissance, et le roi de France à cette époque-là est jeune, beau, brillant, riche, il s'appelle François Ier. Alors ses hobbies sont le tournoi, la chasse, les fêtes et la guerre. Ça, il raffole de la guerre, seulement comme la guerre ça risquerait d'abîmer son royaume, alors il va la pratiquer à l'étranger. Généralement, il a choisi l'Italie comme terrain de sport. Et dans cette Italie, il a débarqué un jour avec une armée absolument incroyable, 30 000 hommes. Ça a été la fameuse bataille de Marignan, dont vous allez me rappeler la date. 1540. Et ben voilà, bravo, un bon point. Et il se dit, à moi, à moi, à moi l'Europe. Parce que le rêve de François Ier, c'était bien sûr d'être roi de France, mais il est ambitieux. Il voudrait aussi devenir empereur. Empereur. Ah, c'est pas si facile que ça, car en Espagne, il y a un beau jeune homme aussi ambitieux qui en veut, qui a de l'armée, qui a de l'argent, qui a tout ce qu'il faut pour conquérir l'Europe, et qui s'appelle Charles Quint. Jacques Martin, en 1981, dans l'émission Les Voyageurs de l'Histoire, il voyageait dans une capsule spatio-temporelle avec des enfants, et là, il était en 1520. Cette rivalité entre François Ier et Charles Quint est intéressante, elle réduit l'histoire à deux personnages, alors que cette histoire-là est beaucoup plus complexe, mais nous allons en parler aujourd'hui avec vous, Guillaume François. Et puis, il y a ces alliances qui sont intéressantes, avec des moments, nous évoquions cette année 1520 sans événements majeurs. En fait, il y en a quand même quelques-uns, certains sont restés dans les esprits, C'est le camp du Drador. Qu'est-ce que c'était que cette chose-là? Oui, alors le camp du Drador, effectivement, c'est un événement qui est important dans l'histoire diplomatique, mais qui souvent passe un peu à la trappe parce qu'il n'y a pas eu de conséquences très importantes. Mais dans le courant de l'année, au moment où c'est passé, effectivement, tout le monde ne pensait qu'à ça, quoi, parce que c'était, c'est probablement l'un des événements les plus fastueux qui ait jamais eu lieu au plan de l'histoire diplomatique. On a deux rois qui se rencontrent physiquement, c'est déjà une chose assez importante, hein, en juin 1520 dans le Pas-de-Calais, hein, entre les villages d'Ardres et Guînes, et ils se rencontrent avec un déploiement de luxe tout à fait inouï, même pour l'époque. Hein, ils installent un campement de tentes bleues et rouges à leur couleur, toutes brodées d'or et d'argent. Déjà rien que ça coûte une fortune. Les courtisans ont ordre de s'habiller en vêtements brodés d'or également, donc ils ruinent un peu leur noblesse aussi au passage, juste pour simplement s'en mettre plein les yeux en fait. Oui, c'est François Ier et Henri VIII, donc oui. Le roi d'Angleterre. C'est une rivalité de faste en vérité à ce moment, cette rencontre. Qui gagne? Qui est le plus impressionnant? Qui gagne? Eh bien, je serais tenté de dire Henri VIII tout de même, parce que François Ier, lui, il a un peu joué une carte traditionnelle. Il a décidé de faire passer ça pour un simple camp militaire, un camp de chevaliers, et donc il a planté une tente pour se loger. Une tente qui est somptueuse, qui est fastueuse en soi, brodée d'or encore une fois, mais tout de même une tente. Et en face, on a Henri VIII qui, lui, se construit un palais provisoire en bois, avec des fondations en briques, d'immenses verrières qui coûtent horriblement cher aussi à l'époque. Donc à ce petit jeu, je pense que c'est Henri VIII qui gagnait. C'est Henri VIII qui aurait gagné cette rencontre, qui vise donc une alliance entre la France et l'Angleterre, à un moment où la France est en rivalité évidente avec Charles Quint. Donc Charles Quint, il faut rappeler cet empire absolument immense, hein, qui s'étend de l'Espagne et puis dans l'Europe centrale, enfin, c'est ce monde immense des Habsbourg. L'alliance entre la France et l'Angleterre n'a pas lieu. Non, clairement pas. Non, elle n'a pas lieu parce que, d'une part, Henri VIII était toujours très circonspect parce qu'il a été approché par Charles Quint aussi, et que Henri VIII, il raisonne de façon assez cynique. Lui, ce qu'il veut, c'est en retirer un avantage tout de même, hein, au long terme. Donc, au cours de la rencontre, il apparaît assez clairement au bout d'un moment que François Ier n'a pas grand-chose à mettre sur la table. Et en plus, Henri VIII espérait montrer que François Ier n'était pas le seul guerrier chevalier, que lui aussi était un combattant valeureux, donc il l'a défié à un petit exercice de lutte, et malheureusement c'est François Ier qui l'a envoyé au tapis. Donc outre qu'il avait rien sur la table, en plus il l'a vexé. Oui, ce qui fait beaucoup. Mais alors, voyez, Guillaume François, nous évoquons pour cette année 1520 un événement important, c'est le camp du Drador. Voilà, là, dans la chronologie, nous avons quelque chose. Mais vous avez choisi cette année, vous en avez fait un livre, 1520 au seuil d'un monde nouveau chez Perrin. Autour de cet événement, il n'y a pas d'autre événement. Dans votre démarche historiographique, pourquoi avoir choisi cette année-là? Alors, donc, vous nous l'avez dit, il y a quelque chose en germe. Qu'est-ce qui est en germe, en fait? Parce que l'Amérique est déjà découverte. Pourquoi 1520, particulièrement, par exemple, dans cet esprit de conquête? Bien, en 1520, effectivement, il y a un esprit de conquête, mais qui est déjà ancien. On a découvert l'Amérique 30 ans auparavant, mais on change. On est à un moment où on est en train de changer, en fait, de paradigme dans la gestion de ces conquêtes lointaines. Auparavant, on était sur une logique où on créait des comptoirs, on exploitait des ressources, et là, on passe à un stade où on veut carrément, en fait, contrôler les territoires et les populations. Et ça change drastiquement les enjeux. Parce que, en 1520, par exemple, si on élargit un peu le focus de l'Amérique, on a les Portugais qui décident d'asservir l'Angola, quoi, pour pratiquer eux-mêmes et pas via des intermédiaires la traite des esclaves. Et ça, c'est le genre de revirement qui contribue, en fait, à une prise de possession du reste de la planète par les Européens. Et ça change totalement la perspective, parce que même s'il y avait une ambition de prendre le contrôle de ressources, de créer de nouvelles routes commerciales, il n'y avait pas encore eu de façon aussi marquée de politique de conquête, en fait, au plan mondial. Oui, et puis il y a même une maîtrise du monde concrète, hein. Je vous propose d'écouter Vincent Grasse, qui lit des extraits de souvenirs d'Antonio Pigafetta, donc l'un des compagnons de Magellan, durant le tour du monde, donc ce tour du monde de 1519 à 1522, donc 1520 c'est bien dans la chronologie. C'était dans l'émission Tout un monde sur France Culture en novembre 2007. Samedi 6 septembre 1522, Nous entrâmes en la baie de Sanlúcar et n'étions que 18 hommes, la plupart malades, du reste des 60 qui étaient partis de Maluc, dont les uns moururent de faim, les autres s'en allèrent en l'île de Timor, et les autres avaient été punis à mort pour leur délit. Depuis le temps que nous partîmes de cette baie jusqu'au jour présent, nous avions fait 14 460 lieues et accompli le cercle du monde, de levant au ponant. Lundi 8 septembre, nous jetâmes l'ancre près du môle de Séville et y déchargeâmes toute l'artillerie. Et le mardi, nous tous, en chemise et pieds nus, allâmes chacun, une torche en la main, visiter le lieu de Sainte-Marie de la Victoire et celui de Sainte-Marie de l'Antique. Moi, parti de Séville, j'allais à Valladolid, où je présentais à la Sacrée Majesté de Monseigneur Charles, non pas or ni argent, mais choses pour être prisées d'un tel seigneur. Et entre les autres, je lui donnais un livre écrit de ma main, traitant de toutes les choses passées de jour en jour en notre voyage. Vincent Grasse, lisant un extrait des souvenirs d'Antonio Pigafetta, donc un des compagnons de Magellan, c'était en 2007, cette lecture. Le voyage, lui, c'était en l'occurrence là pour l'extrait que nous avons entendu en 1522. Guillaume Franzva, il y a un changement de conception du monde dans ces années-là, dans cette année 1520. Alors si on l'apprend à ce moment-là, mais c'est juste pour avoir un appui dans toutes ces années-là, le monde change dans le regard porté par les contemporains. Et là aussi, c'est quelque chose d'important, toujours dans cette recherche d'année charnière. Il y a l'année identifiée par l'historien, l'historienne comme étant particulière, et puis ce que ressentent les contemporains. Ont-ils l'impression d'être au seuil d'un monde nouveau ? Bien, très clairement, oui. Oui, là, la découverte du monde extérieur à l'Europe, ça change complètement la façon d'appréhender les choses. Parce qu'on sort de plusieurs siècles à la fin du Moyen-Âge où on considérait qu'il y avait en gros trois continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, et on passe à un schéma totalement nouveau où, bien, dans la grande mer qu'il y a à côté de l'Europe, bien, il y a un nouveau continent, une nouvelle terre qui n'est pas connue des anciens Romains ni des Grecs, qui est la référence culturelle absolue, et qui bouleverse totalement en fait la classification des savoirs et les théories qu'on pensait valides sur la configuration du monde. Et ça change beaucoup de choses parce que on a les entreprises pour trouver de nouvelles routes commerciales vers l'Asie qui en sont bouleversées. On sait que on a compris en 1520 que on pourrait pas accéder aux ressources de l'Asie directement par l'Ouest. Et on a également toutes les théories au plan géographique, cosmographique, astronomique qui sont chamboulées, hein, parce que on se rend compte que la Terre est plus vaste qu'on ne pensait. Il y a des populations, des territoires, des espèces, des ressources qu'on connaît même pas, quoi. Et tout ça participe à une recomposition globale des savoirs à la Renaissance. Ce qui est important aussi, c'est toujours de réfléchir à cet effet focus. Parce que nous, avec notre regard, nous connaissons la suite des événements. Et donc, nous cherchons les prémices des choses. Bien sûr, en couverture de votre ouvrage, Guillaume Franzva, 1520 au seuil d'un nouveau monde. Nouveau monde, évidemment, ça évoque l'Amérique. Mais non, c'est pas ce nouveau monde-là que vous évoquez. Vous avez mis comme illustration la rencontre, le camp du drap d'or. Les préoccupations, malgré tout, restent européennes. C'est-à-dire que tout ce qui concerne cette vision du monde est réservé à une toute petite partie de ceux qui pensent, qui réfléchissent. Et la volonté de conquête de l'ailleurs n'est pas la préoccupation première des dirigeants de cette année 1520. Oui, là, il y a une petite fracture parce qu'il y a quelques monarchies qui, eux, sont très résolument engagées dans une conquête lointaine. Par contre, effectivement, la majorité des Européens, que ce soit les Français, les Allemands, les pays d'Europe du Nord, tout cela, ils restent très, très ancrés dans leur immédiateté territoriale. Hein, ils ont, la Pologne est en guerre entre la Russie et l'ordre teutonique, par exemple, lui parler d'Allemagne. d'Amérique, autant les parler de la Lune, hein, clairement. Donc vraiment, il y a des différences de point de vue extrêmement marquées entre les royaumes qui sont les plus ouverts sur la mer, notamment Espagne et Portugal, qui ont vraiment sont en train de construire des empires, et les autres pays d'Europe qui sont beaucoup plus à la traîne, mais qui sont tout de même conscients que pour ces pays-là, les pays ibériques, c'est une source de puissance. Toujours dans cette réflexion de changement, de bascule, 1520 au seuil d'un monde nouveau. En fait, 1520, il y a cette rencontre diplomatique qui fait partie de la chronologie quand le roi de France, François Ier, rencontre le roi d'Angleterre, Henri VIII, mais qui n'aboutit à rien. En quoi cette année-là peut être un élément d'explication de la bascule entre le Moyen-Âge et les temps modernes? Alors, c'est pour utiliser des mots simples, toujours facile en histoire, d'avoir des tranches comme ça. Nous le savons bien, tout se superpose et tout évolue lentement. Mais qu'est-ce qui est en amorce en 1520 dans cette construction diplomatique qu'il n'y avait pas avant et qui se développe ensuite? Eh bien, moi, j'ai qualifié le Camp du Drap d'Or de point final de la diplomatie européenne, par exemple. Parce que on a, bon, deux rois qui se rencontrent physiquement, qui font des tournois, qui respectent les vieux codes médiévaux de rituels chevaleresques avec des héros d'armes qui organisent des chorégraphies entre chevaliers, le tout dans un grand camp de tentes et de pavillons tout à fait traditionnels. Ça, c'est quelque chose qui ne se verra plus par la suite. Plus jamais. On n'aura plus d'une part d'entrevues officielles entre des souverains, pas de façon aussi démonstrative. Et ensuite, on n'aura plus de volonté de faire de négociations directement de souverain à souverain. En revanche, dès le Camp du Drap d'Or, on a tout de suite des spécialistes qui s'agissent dans les coulisses. On a des conseillers, des ambassadeurs qui, une fois que les rois ont discuté entre eux d'un point, bien, ils vont chacun de leur côté et ils commencent à parler avec leurs homologues en face pour dire, bon, concrètement, sur la question-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme concession, comme compensation pour arriver à l'objectif. Et cette pratique de négocier de façon plus technicienne et plus spécialisée, c'est un des éléments qui consacre la diplomatie moderne, en fait. On n'a pas changé de système depuis. Voilà, c'est ça. C'est cette naissance, en fait. Alors, on n'a pas changé de système depuis. Et c'est vrai que nous vivons aujourd'hui un moment très particulier. Nous le voyons bien quand on lit votre ouvrage, Guillaume François, 1520, que se met en place ce que l'on connaît, en fait, dans les siècles suivants. Et cette rencontre du drap d'or entre François Ier et Henri VIII est intéressante. Alors, que se sont dit les rois? Bien, sans doute plein de choses. Les ambassadeurs en ont rajouté. Peut-être se sont-ils dit, bevons, mon compère. Alors là, nous allons écoutez, Bevon Macomère, c'est une chanson, on ne connaît pas l'auteur, elle est anonyme. Ce que l'on sait, c'est qu'elle appartient au manuscrit de Bayeux, donc un recueil de 300 chansons, des chansons plutôt de la fin du XVe siècle, mais qui ont été réunies au début du XVIe siècle par Charles III de Bourbon. Bevon Macomère. Macomère dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, année charnière, l'histoire au tournant. Mais oui, que sont ces années particulières, remarquables, où l'on passe d'un monde à un autre et aujourd'hui, nous nous trouvons en 1520 avec vous, Guillaume Francevas. 1520, au seuil d'un monde nouveau. Ce monde nouveau n'est pas une évidence. En fait, il faut le rappeler, et vous le dites bien dans votre ouvrage publié chez Perrin, il y a vraiment une volonté presque de réflexion sur la période. Le titre 1520, le choix de l'année 1520, est plutôt un pivot pour une réflexion autour de cette notion d'année charnière. Oui, tout à fait. J'en fais pas une date butoir, hein, au sens traditionnel, comme 1453 ou 1492, hein, pas du tout. En revanche, effectivement, moi, j'y vois un monde de bascule, en fait. Un bascule entre un monde ancien qui est à bout de souffle et qui arrive à ses limites, et un monde nouveau qui commence à poindre entre les feuillages un peu automnaux du Moyen-Âge. Donc, vraiment, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un moment où on glisse en fait d'une réalité à une autre, et c'est la chose que j'ai essayé de montrer. Voilà, c'est comme sur une balance, le moment ça, oui, où un côté penche plus que l'autre, parce qu'il faut, oui, bien souligner que les éléments qui viennent du Moyen-Âge sont toujours présents des siècles après. Et tout, vous le dites, fait, bien, ça continue très longtemps. Ces éléments du Moyen-Âge encore présents, j'allais dire le mot persiste, mais non, il ne persiste pas, parce qu'il y a un aspect négatif dans le mot persister. C'est juste une continuité logique, en fait. Et dans cette année 1520, vous voyez bien ce qui est issu du Moyen-Âge, mais qui, en fait, est fondamental pour construire ce monde nouveau. Oui, tout à fait. Oui. Il y a toute une série d'aspects, de valeurs, de pratiques issues du Moyen-Âge qui perdurent, hein, parce que ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la culture littéraire ou tout simplement du décor. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas s'attendre à une rupture franche et brutale. Et à côté de ça, on a des choses, des innovations qui vont faire florès par la suite. Par exemple, on a donc en 1519 qui arrive en France, on a l'utopie de Thomas More. La première réflexion sur la société qui est dépourvue de liens évidents avec la religion, et c'est la naissance de la réflexion moderne sur ce que doit être la société et les rapports entre catégories sociales, par exemple. Oui, ça c'est essentiel, parce que c'est vrai que ce XVIe siècle, nous l'étudions à travers la pensée, à travers les textes. Et c'est vrai que dans la démarche de l'historien, de l'historienne, le texte est toujours l'élément premier. Et après, c'est vrai qu'il y a énormément d'autres sources. Mais le texte, la pensée, au XVIe siècle, nous fascine encore. Alors j'utilise le mot, même s'il est complètement galvaudé, mais vu que nous entrons dans les temps modernes, par sa modernité. Il y a une vraie réflexion très pertinente, et vous avez la cité Thomas More, mais il y en a d'autres. Oui, bien sûr, oui. La grande star à cette époque, par exemple, c'est Erasme de Rotterdam, un humaniste extrêmement brillant qui s'est fait connaître par une nouvelle édition de la Bible, par des ouvrages philosophiques, par des satires également, notamment l'Éloge de la folie, qui a eu un succès tout à fait considérable en Europe pour sa critique de l'Église, notamment. Et donc, parmi la production de l'époque, on a justement la volonté de ressusciter un savoir antique qu'on juge être une référence incontournable, et la volonté tout de même de garder ce qui, dans le Moyen-Âge, faisait encore sens. Et la synthèse de l'époque produit quelque chose de tout à fait admirable. Et cette synthèse, c'est vrai que vous citez ce nom d'Erasme, mais Erasme, pour les siècles suivants et aujourd'hui encore, reste une référence de pensée. Cette synthèse produit ce monde nouveau, celui qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, où nous allons écouter Erasme. Erasme, témoin de son temps, c'était une émission diffusée en décembre 1969 sur France Culture, où Jean Levray lisait un extrait de L'Institution du prince chrétien d'Erasme, un ouvrage de 1516. On rougit de rappeler pour quel motif honteux ou frivole les princes chrétiens font prendre les armes au peuple. L'un a prouvé ou simulé quelques droits surannés, comme s'il importait beaucoup que tel ou tel prince gouvernât l'État dès lors que les intérêts publics sont bien administrés. Un autre prend pour prétexte un point inexécuté dans un traité de 100 chapitres. Celui-ci a un ressentiment contre celui-là au sujet d'une fiancée refusée ou enlevée, ou de quelque raillerie trop libre. Et le comble de l'infamie, c'est qu'il y a des princes qui, sentant leur autorité faiblir par suite d'une paix trop longue et de l'union de leurs sujets, s'entendent en secret de façon diabolique avec les autres princes. Et lorsque le prétexte est trouvé, on provoque la guerre afin de tout diviser par la discorde de ceux qui vivaient étroitement unis et de dépouiller le malheureux peuple grâce à cette autorité sans frein que donne la guerre. Erasme, témoin de son siècle sur France Culture, c'était en décembre 1969, quand Jean Leuvre lisait un extrait de l'institution du prince chrétien d'Erasme. Guillaume François, ce personnage, Erasme, mais ils sont nombreux autour de lui, porte une idée. Toujours cette même question, avec le recul, nous avons tendance à mettre en exergue ces penseurs-là. Dans cette année 1520, quel poids ont-ils réellement ? Réellement, ils ont un énorme prestige, mais en politique, leur influence est quasi nulle en réalité. Hein, on a qualifié leur posture politique et religieuse d'évangélisme, et en réalité, n'importe quel politicien leur ira au nez en fait à l'époque-là, si on envisage sérieusement d'appliquer leur théorie. Donc, en vrai, ils ont un énorme prestige parmi les lettrés et auprès des politiciens, mais personne n'envisage une seule seconde d'appliquer leurs principes, hein, pas du tout. Hein. Et pourtant, ils mettent en place un mode de réflexion qui conduit, dans l'ensemble de l'Europe, à prendre la parole, le mot est peut-être beaucoup trop fort, mais à réfléchir au monde. Et cette réflexion sur le monde a des conséquences sur ce qui est fondamental et que nous n'avons pas évoqué encore, alors que c'est au cœur de ce monde en 1520, c'est la religion. La religion est omniprésente. Et ça, il faut le rappeler depuis tout à l'heure, nous parlons de politique, nous parlons de découverte, mais en fait, la religion aurait pu s'insérer sans cesse dans votre propos, Guillaume François. Oui, tout à fait, parce qu'on est à une époque où la religion, en fait, c'est ce qui donne cher à la vie des Européens en réalité, parce que l'Église accompagne la population au plan collectif et individuel de la naissance jusqu'à la mort et rythme chaque événement de la vie, qu'il s'agisse de mariage, de naissance d'enfants ou encore de pèlerinage par exemple. Donc il y a vraiment alors emprise est un peu connotée, mais en tout cas une présence continue de la religion dans la vie des gens, quoi. Oui, parce que même au quotidien, la religion est présente. La religion rythme aussi le quotidien. Et ça, c'est un aspect extrêmement important sur cette religion, surtout que nous sommes en 1520 avec vous, Guillaume François. Ce 1520 nous intéresse parce qu'il est là aussi un moment de réflexion sur ce qu'est la religion avec, et c'est l'analyse que vous faites dans votre ouvrage, un radicalisme, j'ai envie de dire, d'un côté, et de l'autre côté, une incompréhension ou une volonté de synthèse. On oublie souvent, quand nous étudions cette période qui conduit un peu plus tard aux guerres de religion, qu'il y a cette incompréhension, en fait, mais une volonté radicale d'un côté, dans la volonté de réforme. Oui, tout à fait. On a eu souvent tendance à réduire la réforme à l'affrontement entre des réformés qui veulent revenir à des usages corrects et des vilains conservateurs qui, eux, veulent continuer de vivre leur vie dépravée. La réalité est extrêmement différente, hein, parce que on a justement le parti des réformés qui, lui, déjà n'est pas particulièrement souple, en fait, qui veut au contraire appliquer ces idées de façon très jusque boutiste, et en face des catholiques, alors peut-être un peu conservateurs, ça c'est vrai, mais aussi beaucoup plus pragmatiques. Ils ne veulent pas qu'on ait une révolution totale de leur monde et de leur vie, parce que il y a des enjeux géopolitiques à la clé, et parce que cela risquerait de plonger l'Europe entière dans le chaos, quoi. Et ça, cette question de révolution est au cœur, en fait, de la réflexion sur ces années charnières. Faut-il conserver le monde qui est présent ou faut-il le changer ? Et c'est sans doute de cette incompréhension entre ces deux discours que va naître ce monde nouveau. Il y a, en 1520, ceux qui veulent conserver le monde ancien et ceux qui veulent le changer. Ce n'est ni l'un ni l'autre qui gagne, en vérité. Ce sont ces discours, cette confrontation qui fait naître quelque chose. Oui, tout à fait, parce que il n'y a pas d'accord possible entre les deux positions, à dire vrai. On le voit rétrospectivement, et on voit clairement qu'en 1520, on arrive à un moment où les deux parties, faute de pouvoir trouver un accord, décident d'adopter une position beaucoup plus rigide. Le pape envoie un ultimatum à Luther pour qu'il se rétracte, et Luther, de son côté, bien réagit en appelant à une rupture franche, en essayant de soulever la noblesse allemande et de récuser les points dogmatiques essentiels du catholicisme. Donc on est vraiment à un moment où on a deux opinions qui, après avoir tenté de dialoguer, s'entrechoquent, et cet affrontement, il débouche sur un paysage géopolitique et social totalement différent. Parce qu'on va avoir désormais deux mondes apparentés, mais totalement différents, qui vont coexister dans le même espace. Avec cette idée que la réforme protestante n'est pas une évidence, parce que beaucoup de monarchies européennes n'ont aucun intérêt sur ce qui se passe par là-bas, au sens où ça leur semble complètement hors d'intérêt. C'est ça aussi qui est important. La réforme protestante n'a pas été quelque chose uniforme en Europe. Oui, tout à fait, tout à fait. On a eu dans les pays du Sud, en Italie, en Espagne, au Portugal, il n'y a jamais eu d'intérêt très sérieux pour la réforme en réalité. Et ce n'est pas seulement une question de répression par les puissants, c'est que ça n'a jamais réellement fait souche de la population. Alors que en Allemagne, notamment, qui est un pays beaucoup plus travaillé par les dissensions politiques et les dissensions régionales, là, le terreau était beaucoup plus favorable parce que les gens, de par ces dissensions, avaient davantage peur. Ils étaient davantage en rivalité les uns avec les autres et donc ils étaient beaucoup plus réceptifs à des idées de critique et de reconstruire une nouvelle société plus unifiée et plus pure. Donc clairement, il y a une dissension entre une Europe du Sud-Ouest et une Europe du Nord et de l'Est. Et cette dissension a des conséquences mondiales d'ailleurs, parce que la lecture à l'échelle du monde est toujours intéressante. On va retrouver ça dans le monde entier. Oui, tout à fait, parce qu'il faut bien voir que au fil de la colonisation par de nouveaux acteurs, eh bien, ces nouveaux acteurs, les Anglais, les Hollandais, un peu aussi les pays scandinaves à la marge, ils vont également colporter leur propre religion. Donc, on va se retrouver avec des colonies catholiques face à des colonies plutôt réformées. Et naturellement, la dissension religieuse n'aide pas pour maintenir la paix mondiale à cette époque, loin de là. Nous allons écouter un extrait du film Luther d'Eric Thiel. C'était en 2003, quand Martin Luther écrit à l'archevêque de Mayence et de Magdebourg, donc Luther, qui proteste au sujet de la vente des indulgences. Il faudra rappeler ce que sont les indulgences parce que c'est absolument fondamental. Et on se dit, faudrait retrouver ça. C'est une indulgence, vous payez pour être pardonné. C'est très très bien, il faut avoir de l'argent. Un extrait du film d'Eric Thiel, Luther. À l'attention d'Albert de Mayence, père en Christ et très illustre prince, pardonnez-moi d'avoir l'audace de vous écrire. Je fais cela car il est de mon devoir de vous informer et de vous prévenir des pratiques tordues de ceux qui prétendent représenter votre grâce. Le Christ n'a pas prôné l'enseignement des indulgences, mais celui de l'Évangile. Faites parvenir ceci à Rome. Aux chrétiens, on doit apprendre que celui qui donne aux pauvres ou prête aux nécessiteux fait une meilleure action que celui qui achète des indulgences. Si le pape peut vider le purgatoire, pourquoi ne peut-il le faire par amour plutôt que pour de l'argent? Mon Dieu, mais qui est ce Martin Luther? Ah bah ça, ils vont en entendre parler de Martin Luther. C'est un extrait du film Luther d'Eric Thiel en 2003. Guillaume Franzva, nous avons ici d'autres conceptions du monde dans votre ouvrage, donc 1520 au seuil d'un monde nouveau. Il y a une grande partie consacrée au monde, mais de manière géographique, ce monde nouveau, donc la conception du monde qui change. Mais cette conception du monde change également dans les esprits, et là encore baignée de religion. En cela, Luther est essentiel. Oui, tout à fait. Luther, c'est un des éléments qui bouleverse la conception du monde au plan social et politique. Parce que on sort d'une époque où justement, bien, l'Église est un acteur de régulation extrêmement puissant dans le jeu politique et dans les mœurs au quotidien. Et Luther change totalement de paradigme. Pour lui, l'Église a totalement dévoyé sa mission première et elle doit se réformer ou même mieux, comme il le dit plus tard, disparaître au profit d'un ordre nouveau. Disparaître au profit d'un ordre nouveau. Cet ordre nouveau crée des oppositions qui deviennent politiques. C'est ce qui est intéressant dans ce regard que vous portez sur une année entière. C'est parce que nous sentons que tout est mêlé, avec toujours cette idée de 1520, le basculement sans qu'il se passe quelque chose d'essentiel et de précis. Il y a l'idée que dans ce poids de la religion ou de l'Église en Europe, d'autres acteurs apparaissent. Et nous opposons facilement la papauté et puis la réforme, les protestants. Mais en fait, le pape est confronté à d'autres acteurs qui grandissent devant lui. Les équilibres de puissance en Europe sont en train d'être bouleversés, même pour la religion. Oui, tout à fait. Le pape, d'une part, le pape, il faut bien se représenter que il garde un point moral extrêmement fort, mais au plan politique, ses capacités d'action se sont considérablement réduites en réalité depuis un siècle, hein, parce qu'il y a eu des accidents géopolitiques divers à la fin du Moyen Âge qui ont conduit justement le pape à devoir désormais composer avec les rois au lieu de d'exiger de qu'il se conforme aux idéaux chrétiens. Et notamment dans les années 1520. Le pape, c'est devenu quasiment un prince comme les autres. Il garde toujours un grand poids moral, mais au plan géopolitique, c'est devenu un prince italien qui essaye de conserver son indépendance politique vis-à-vis des grands rois qui essayent de prendre le contrôle de l'Italie. Donc là, on est face à une autorité qui semble se compromettre en réalité et qui choisit très clairement de raisonner avec les princes plutôt que de leur faire entendre raison, hein. Guillaume François, dans 1520, au seuil d'un monde nouveau chez Perrin, vous le dites bien, vous participez à la discussion, au débat sur la fin du Moyen-Âge. Alors, 1492, découverte de l'Amérique, fin du Moyen-Âge, c'est très simple. 1453, la prise de Constantinople par les Turcs, c'est très simple. 1520, c'est beaucoup moins simple, évidemment. Il y a ces éléments qui, en fait, sont très probants pour un changement de monde. C'est ce que vous venez d'expliquer, c'est le pape devient un prince comme les autres. Pour vous, cela est plus important pour expliquer le changement de monde que l'événement ponctuel qu'est, par exemple, la découverte de l'Amérique. Eh bien, oui, parce que la découverte de l'Amérique, en fait, bon, c'est quelque chose qui a une grande résonance pour nous a posteriori, mais sur le moment, ça n'a pas changé, à dire vrai, les pratiques ni les conceptions. Quand on découvre l'Amérique, d'une part, on n'est pas conscient qu'on découvre l'Amérique. On pense qu'il s'agit des Indes, donc de l'Asie. Et ça n'a pas du tout changé les stratégies des royaumes ibériques de l'époque. Ils ont continué leur vague d'exploration vers l'Ouest en pensant avoir touché au but et en pensant qu'ils allaient pouvoir ramener les épices dont ils avaient l'habitude, alors qu'en réalité, il faut rapidement s'apercevoir au bout de quelques années qu'ils sont face à quelque chose qui n'a rien à voir avec les descriptions de l'Asie telles qu'ils pouvaient les trouver dans les textes traditionnels. Et le temps qu'on comprenne cela, en réalité, il s'est passé 20 ans. Hein. Donc, la découverte de l'Amérique, c'est presque en fait un événement accidentel, j'ai envie de dire. C'est pas du tout quelque chose qui révolutionne la pensée ni qui va changer les stratégies d'expansion, mais c'est quelque chose qui auquel on ne réagit que bien plus tard, en fait. Oui, 20 ans plus tard, c'est là où on réagit, alors que d'autres événements sont fondamentaux. Sont fondamentaux et tout de suite quand on dit Marignan on dit 1515 ou quand on dit 1515 on dit Marignan et là pour les contemporains il se passe quelque chose, c'est le roi de France François Ier qui se rend en Italie et ce qui permet de faire de jolies chansons encore une fois encore c'est la bataille de Marignan composée par une vedette du moment, c'est Clément Jeannequin et qui est interprétée dans le cours de l'histoire sur France Culture par l'ensemble Candor Vocalis. Les compagnons. la victoire du roué François dans le cours de l'histoire sur France Culture. Donc à propos de la bataille de Marignan en 1515, Guillaume François, Marignan 1515, tout le monde connaît, c'est une bataille. Les gens oublient parfois ce que signifie cette bataille, mais peu importe. Ce qui nous intéresse à partir de votre ouvrage hein, 1520, au seuil d'un nouveau monde, c'est ce rapport à l'Italie et ce basculement d'un monde à l'autre dans le champ artistique. Alors, je prends juste votre ouvrage. Vous évoquez, je trouve ça intéressant, Marguerite d'Autriche, qui a fait construire le monastère de Brou, donc gothique flamboyant, mais qui, pour son palais de Malines, adopte une architecture italianisante. Alors, il y a ce jeu, en fait, sans cesse. C'est-à-dire, la même personne un goût gothique et puis un goût renaissance. Il n'y a pas de délimitation nette, évidemment, dans ce monde-là. Non, pas du tout. En fait, on est à une époque où il n'y a pas d'exclusivité du goût de la Renaissance, loin de là. On est à un moment où, en fait, les deux solutions cohabitent. Elles ont des aires géographiques d'influence naturelle, mais auprès des puissants, qui sont naturellement plus informés, plus ouverts sur les réalités plus lointaines, on a très clairement, là encore, une ambivalence. Où un même personnage, donc il y a Marguerite d'Autriche, mais on pourrait en trouver d'autres, on peut très bien adopter pour tel type de commande une architecture plutôt médiévale, et pour quelque chose de différent, une architecture plutôt italienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera plus vraiment par la suite non plus, parce que on est à un moment où on a deux écoles artistiques différentes qui ont chacune leur cohérence et leur façon de présenter leurs attraits tout simplement. Et ces deux écoles, elles ne s'opposent pas tant que ça. En fait, on a eu tendance à vouloir dire que la Renaissance chassait le Moyen-Âge, mais la réalité est un peu différente. En Italie, clairement, la Renaissance chasse le Moyen-Âge, ça, il y a aucune ambiguïté là-dessus, mais dans le reste de l'Europe, très honnêtement, on est plus face à une solution alternative quand on veut se démarquer, en fait. Quelque chose qui sert justement à montrer qu'on est au courant de ce qui se passe sur le champ de bataille au loin. Quelque chose qui sert également à montrer qu'on peut avoir des liens privilégiés avec Rome, par exemple, aussi. Et également quelque chose qui permet tout simplement de montrer qu'on est à la page, qu'on sait ce qui se passe ailleurs. Oui, ce qui me fait penser d'ailleurs à une phrase que vous dites et qui correspond bien à ce nouveau monde qui s'annonce. Nous sommes au seuil d'un nouveau monde, mais il y a le monde d'après qui n'est pas loin. C'est qu'il y a cette volonté de prendre en compte le passé pour construire le présent. Vous dites bâtir le présent et l'avenir en prenant pour étalon un passé rêvé. Il y a en fait ce jeu constant qui empêche de donner une délimitation nette au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Le passé ne peut pas être oublié. Non, tout à fait. Que ce soit dans le domaine religieux ou dans le domaine artistique, très clairement, la référence, c'est le passé. Tout simplement parce que on fantasme un peu le passé, on fantasme d'une époque qui serait une sorte de paradis perdu, et selon les acteurs auxquels on s'adresse, ce paradis ne sera pas forcément le même. Donc, tout l'enjeu de la période, en fait, c'est de trouver une synthèse qui réunisse les différents courants, quoi. Oui, et c'est cette synthèse qui est nécessaire dans le débat historiographique aussi, dans la réflexion sur ces années de transition, qui est une réflexion que l'on rencontre beaucoup. Alors c'est vrai que la mode est aux années en ce moment dans les publications pour donner des jalons, et c'est vrai que c'est très simple. Mais quand nous évoquons ce monde nouveau, donc celui de la Renaissance, mais un monde nouveau qui dure au-delà de la Renaissance, vous montrez bien que en fait tout s'imbrique avec malgré tout tout un questionnement. Là, nous restons sur les penseurs. Nous avons parlé d'Erasme, nous restons sur les souverains, François Ier, les rois. Qu'en est-il pour la population? Le changement est-il là pour eux? Ah, pour la population, c'est beaucoup moins évident. Parce que les puissants, naturellement, ils ont des facilités pour s'informer, pour voir les nouveautés quand ils se déplacent dans leur royaume ou à l'étranger. Pour la masse de la population, là, en revanche, clairement, il y a beaucoup plus d'immobilisme. On a des changements qui n'atteignent les catégories basses de la population que par un jeu de capillarité beaucoup plus lent. Donc, par exemple, on sait très bien qu'en 1520, la cour de France, elle est... il y a aucune ambiguïté. Elle a embrassé la réforme, elle construit des nouveaux châteaux dans des goûts très très italiens. Par contre, quand on va voir les paroisses populaires à Orléans par exemple, ils en sont encore à construire des chapelles gothiques tout à fait dans la veine traditionnelle. Hein. Donc il y a vraiment un jeu de capillarité qui descend du haut vers le bas. Et il y a un rythme très progressif. Hein. Et puis, à la cour de France et dans d'autres cours européennes, il est possible de consommer des produits qui viennent du bout du monde. Bien sûr, pour les petites gens, le pauvre Martin, c'est encore inenvisageable, même s'il sait que ça existe, ce qui est déjà un changement. Pourtant, dans ces années de changement, pour la population, il peut y avoir ce sentiment, alors peut-être pas d'amélioration directe de sa situation, mais un espoir que le monde va changer, que ce sera meilleur pour soi-même plus tard ou pour ses enfants. Je n'ai pas tellement l'impression que c'est le cas en 1520 pour ma part, Guillaume François. J'ai l'impression que les soucis ne se portent pas tant que ça sur l'amélioration des conditions de vie des gens, mais je me trompe peut-être. Non, en 1520, l'amélioration des conditions de vie des gens, c'est pas du tout une idée qui circule. Hein. On a plutôt l'idée, en gros, d'un monde qui, au plan du quotidien, stagne en fait. Hein, on a une préoccupation majeure qui est celle de la subsistance. Donc, gros enjeu qui se pose tous les ans, c'est de savoir si on va avoir assez à manger ou pas. Hein. Et les autres aspects n'arrivent qu'en second. Donc, la question du confort, du plaisir, du bonheur, tout simplement, ce sont des questionnements qui ne se présenteront que beaucoup plus tard, lorsque les problèmes de subsistance auront un peu perdu de leur acuité. Hein. La question que l'on va se poser, je pense, pour la population, en fait, c'est juste le salut. Et là encore, nous retombons dans la religion. Après, quel moyen trouver pour le salut ? Oui, bien, justement, dans cette période, en fait, l'astuce qui a été trouvée par l'Église pour répondre à ce besoin, c'est justement les indulgences, tant décriées par Luther. Les indulgences, c'est un système qui, aujourd'hui, peut nous paraître un peu perfide, un peu intéressé, mais qui a beaucoup plus de sens à l'époque. Parce que le principe de l'indulgence, c'est qu'on peut avoir une certaine part de ses péchés qui est remise si on se rend pèlerinage ou si on fait une bonne œuvre du type donner de l'argent à un mendiant ou donner de l'argent pour embellir une église. Et ce système des indulgences, il va être poussé par l'église pour ses besoins architecturaux, politiques, etc. Et on va arriver au point où on peut carrément acheter des indulgences au format papier pour se voir remettre des jours au purgatoire. Hein. Et bien voilà, ça c'était quelque chose de rupture en fait entre deux mondes. C'est ces ruptures qui créent la réforme d'un côté. Et nous voyons bien en 1520, nous sommes au seuil de ce monde nouveau, parce que les guerres de religion, c'est juste après. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Merci beaucoup, Guillaume François. 1520 au seuil d'un nouveau monde, c'est chez Perrin. C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Viudès, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault, qui assure la production de l'émission. Des émissions à réécouter sur franceculture.fr ou bien en podcast demain, 1870, une année qui commence bien et qui finit mal.